Et depuis ce jour-là, nous sommes comme fous. Le tas des ouvriers a monté dans la rue, et ces maudits s'en vont, foule toujours accrue de sombres revenants, aux portes des Richards. Moi, je cours avec eux, assommé les mouchards. Et je vais dans Paris, noir, marteau sur l'épaule, farouche, à chaque coin, balayant quelque drôle. Et, si tu me raisonnais, je te tuerais. Puis, tu peux y compter. Tu te feras des frais avec tes hommes noirs, qui prennent une requête, pour se les renvoyer comme sur des raquettes. Et tout bas, les malins se disent qu'ils sont sots. Pour mitonner des lois, coller de petits pots pleins de jolis décrets roses et de drogailles, s'amuser à couper proprement quelques tailles, puis se boucher le nez quand nous marchons près d'eux, nos doux représentants, qui nous trouvent crasseux, pour ne rien redouter, rien, que les baïonnettes. C'est très bien. Foin de leur tabatière à sornette. Nous en avons assez, là, de ces cerveaux plats et de ces ventres dieux. Ah, ce sont là les plats que tu nous sers, bourgeois, quand nous sommes féroces, quand nous brisons déjà les sceptres et les crosses.